revient, oui, revient parmi nous. Nada, ma douce amie, reviens, oui, reviens, je t'en prie. Nada, si la mort t'a touché en chemin, moi, je fuirai la chanson. Nada, si la mort t'a touché en chemin, je fuirai mon bonheur. Narda, ma douce amie, reviens, oui, reviens, je t'implore. Narda, ma belle amie, reviens, oui, reviens, je t'en prie. Oui, Narda, si la mort t'appelle en chemin, pourquoi vouloir donc chanson.